T2M revient, c'est parfait, tu m'attendais. Y'a plus qu'à voir ce que j'ai exposé. Un son que dis-je, une farandole. Un son précurseur, prévu par curseur. Mon domaine le RAP et le tien rien à péter. Je suis en place, prêt à balancer. Prépare-toi à exploser, le crève-coup va régaler. Un principe de base dans tous nos projets. La musique est en crise, attirée par le fric, par ces démons académiques. Notre monde part en vrille, tiens-toi prêche des goupilles. C'est le temps de la revanche, allez vas-y relève tes manches. Le commercial n'a pas sa place, moi quand je chie je tire la chasse. T'as compris la métaphore, au corps à corps je fais des efforts. Bienvenue à bord de la musique sans accord. Bienvenue à bord de ce putain monde hardcore. Moi il berce ma journée sans jamais s'arrêter. Toute la nuit à composer au-dessus de mon clavier. Au petit matin, toujours pas de refrain, toujours pas de phrase. Choc qui te met à bloc, mais c'est sans scrupule que les autres bousculent. Le fameux parade des chansons bien fades. Le son tourne en boucle, ça vaut pas un clou. Ils attendent gentiment et balancent leur argent. Ils attendent insouciant que le business flanche. Ils attendent inconscient que la musique change. Ils attendent patiemment. Mais ça tourne en rond comme un beat pas bon. Oui ça tourne en rond comme un gimmick pépon. Comme un vieux Christophe sur la chaîne de ton salon. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Petit florilège de l'académie. Petit florilège de tous ses amis. Jennifer, Jean-Pascal, la tortue et Jérémy. Rien à foutre, je balance, c'est pour ça que je suis ici. Rien à foutre, je balance avec vous, je compatis. Toute la journée, les mêmes mélodies. Les mêmes rengaines dans les clips d'MTV. Des maquets, des putes, tous en bikini. Bienvenue à bord d'un monde hardcore. Bienvenue à bord de la musique sans accord. Bienvenue à bord de ce qui nous cause du tort. Bienvenue à bord de ce que j'appelle la mort. Les voix de Crécelle déjà entendues. Les minés à bretelles qu'on a déjà vues. Innover, balancer, sortez-nous une exclu. Moi deux pages d'écriture et ça y est je te vois plus. Je te parle pas des producteurs qui mettent tout leur cœur. Sacrifier de trois filières sur un plateau télévisé. Invoquer la mort pour revendre leur CD. À quatre pattes sous son bureau, tu verras la vérité. C'est dommage mon enfant que tu sois pas siliconé. Bienvenue à bord d'un monde de bord. Bienvenue à bord, passe à droite et t'es mort. Bienvenue à bord de la musique sans accord. Bienvenue au bord de l'eau, tu vois passer le cadavre. Bienvenue au bord de l'eau, très très très loin de la mare. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Entre nous et le fric, un grand précipice. Un concert underground, tout le monde se précipite. L'entrée à 3€, allez viens je t'invite. Un petit bar sympa à côté de Saint-Mich. Le couplet qui tabasse, le couplet sans clash, le couplet est efficace. Efficace comme CRK, comme les soirées du Ticana. Yes, si, c'est lui qui m'assiste. Une pensée réservée à ceux qui ont essayé. Un mot d'ordre, underground à tous mes associés. Une pensée réservée à ceux qui ont galéré. Un mot d'ordre, underground à tous mes associés. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord de ce putain d'argent.